Helgvor du fleuve bleu de Joseph Henry Books, dit Rosny aîné. Deuxième partie. Chapitre 1. Helgvor seul n'a pas combattu. Helgvor a combattu. Il a tué 2 tso. Plus tard, il en a tué 4 autres. Il en a blessé 2. Les guerriers formaient un demi-cercle autour du jeune homme. Aigun ricana. Le chef avait un visage ténébreux. Aucun guerrier n'a vu Helgvor. Jorg l'a vu. Une voix aiguë cria. Helgvor a tué 6 hommes des rocs et Jorg avec le loup en a tué 1. Audacieusement, l'enfant va se mettre aux côtés du nomade. Alors, Yuk, frère de Helgvor, Eshtra, son père selon la coutume des Ougmar, mais point selon la réalité, clamèrent. Helgvor est un guerrier. Un parole d'un enfant est plus légère qu'une feuille, grogna Aigun. Les Ougmar croyaient que Aigun était le plus fort des hommes, et en l'absence d'Akrun, il prenait le bâton du commandement. « Voici mes témoins, » dit Helgvor. De la peau d'une loutre, il tira 7 mains d'homme desséché, et Jorg montra 1/8 main. Alors Akrun déclara, « Helgvor a combattu. »« D'où vient la 7e main ?» demanda Aigun. « C'est la main d'un tso tué par une fugitive des rocs et par le loup, » répondit Helgvor avec répugnance. Aigun hurla en brandissant son épieu. Helgvor avait donc fait alliance avec l'étrangère? La haine vivait entre les 2 hommes. Aigun détestait la force d'Helgvor qui croissait à chaque lune. Apprenant que le jeune homme avait tué 6 ennemis, une fureur homicide tournoyait dans son crâne. Tous s'écartèrent de l'épieu énorme. Les cheveux de Aigun évoquaient l'éclat d'une torche. Il avait une poitrine de lion, des bras noués de muscles, des jambes comme des bouleaux. Helgvor a fait alliance avec les fugitives, répondit le jeune homme en reculant d'un pas et tenant sa massue prête. Ainsi, Helgvor sait où vivent les hommes des rocs et les fugitives guideront les Ougmar. Akrun veut voir les femmes, gronda le chef. Tous les guerriers le veulent, ajouta Aigun. C'est bien. Quand les femmes parurent, un murmure étonné bruissa parmi les Ougmar. Tous les yeux détournés du visage épais, des yeux allongés et de la stature trapue d'Amao, se fixaient sur Glava. Avec sa chevelure lumineuse, ses prunelles fauves aux reflets de jade, sa haute taille flexible, elle était comparable aux plus belles adolescentes du fleuve bleu. Parce que les femmes avaient disparu, elle semblait plus désirable. Aigun tournait vers elle un visage avide. L'Adzo est digne d'entrer dans la hutte d'un guerrier, s'exclama-t-il d'une voix despotique. Elle se tenait là, droite et orgueilleuse, et sa face méprisa Aigun. Aigun est un chef, reprit-il, et comme il obéissait brutalement à ses impulsions, l'Adzo sera la femme d'un chef. Une colère véhémente gronda dans la poitrine de Helgvor. Aigun est-il le maître des clans? Est-ce lui qui a fait alliance avec l'adolescente? Akrun écoutait en silence. La passion du commandement le dominait et le laissait presque indifférent à cette querelle. S'il exécrait Aigun, il le redoutait pour sa force, sa violence et le nombre de ses partisans. Quand Akrun serait vieux, tous s'attendaient à voir le bâton du chef des chefs aux mains du colosse. Helgvor n'est même pas un guerrier, rauquait Aigun. Helgvor regarde Aigun en face et combattra par l'épieu, l'arc et la sagaie. Les épieux s'élevèrent et Akrun souhaita la mort de son rival. Mais redoutant la défaite de Helgvor, il parla impérieusement. Aucun homme du fleuve bleu n'aura une femme nouvelle avant que les Tso n'aient été punis. Jusqu'à l'heure de la vengeance, les Ougmar seront comme des chacals ou des saïgas. L'homme qui aura le mieux combattu aura la femme qu'il préfère. Des acclamations s'entrechoquèrent. Plusieurs guerriers subissaient la séduction de la captive et la jalousie obscurcissait leur cœur. La plupart voulaient reconquérir leurs femmes et tuer les ravisseurs. Ainsi, Akroun entraîna les guerriers par sa parole, si bien que Jtra put dire « Le chef a bien parlé, les Ougmars obéiront. » « Elgvor a défié Haïgoun, » rugit le géant. « La tribu veut tous ses guerriers, » dit âprement Akroun. « Si Haïgoun, Elgvor, ou tous les deux étaient blessés, Lizzo serait le plus fort. » Haïgoun tuera Elgvor après la victoire. Elgvor abattra Haïgoun. Le jeune homme déploya sa haute stature, presque égale à celle de l'adversaire. Mais les épaules d'Haïgoun étaient plus massives et ses membres plus gros. Surpris de la hardiesse du fils de Jtra, plusieurs guerriers admiraient son audace. Glava, concevant que Haïgoun la convoitait, pâlissait de colère et de haine. Les guerriers, ne devant partir que le lendemain, passèrent le reste du jour à réparer ou à aiguiser leurs armes. L'inquiétude assombrissait Elvor, et obscurément, il sentait combien sa vie avait été douce et libre dans l'enceinte erratique. Si l'instinct de la race et la haine des Tso n'avaient point parlé en lui, il aurait songé à la fuite. Glava aussi était morne, et quand les premières étoiles revécurent, elle sentit la pesanteur menaçante des ténèbres. Haïgoun lui fut aussi odieux que Xam. L'hostilité s'élevait dans son cœur contre la race étrangère, et même elle conçut une rancune contre Elgvor pour l'avoir amené parmi ses hommes. Akroun avait fait venir Elgvor dans sa tente et demandait « La jeune fille nous conduira-t-elle dans le pays des Tso ?»« Oui, répondit le guerrier, si personne ne la menace. Glava n'a pas peur de la mort. Elle a combattu comme un guerrier. Elle ne courbera pas la tête. Si le chef veut qu'elle soit un guide, il faut écarter Haïgoun. L'adolescente ne répondra qu'à Elgvor. » Le chef écoutait, soucieux, et au fond de lui-même, il approuvait Elgvor, mais il prévoyait des embûches. Effrité par les circonstances, son autorité chancelait. Il devinait que main guerrier blâmait son imprévoyance. Quelques-uns avaient murmuré. Haïgoun, audacieux et ardent à dominer, plein d'une ruse grossière, toutefois efficace, ne lui laissait point de repos. Parce que la nature d'Akroun s'opposait à celle de Haïgoun, et aussi parce que la rivalité était née trop tôt, le chef des chefs ne voulait point que celui-là prît le bâton du grand commandement. « Comment Elgvor a-t-il rencontré les femmes et combattu les Tso ? » demanda-t-il. Elgvor raconta son aventure, la première rencontre des hommes du roc, le massacre dans la presqu'île rouge, la poursuite, la rencontre des fugitives, le combat sur la rive et le combat dans l'enceinte granitique. Tant d'exploits émerveillaient Akroun, car Elgvor était plus jeune que tous les guerriers chasseurs de chevaux et de bisons. Cependant, son adresse était connue. Depuis son enfance, il tirait de l'arc. Il lançait la saga avec une justesse surprenante. Sa force croissait plus vite que sa stature. Akroun espéra qu'il serait un rival redoutable pour le géant. Si Elgvor devenait le héros de la tribu, le chef des chefs n'aurait pas de rivaux. Un si jeune homme ne pouvait exercer le commandement. Akroun ne prétendait plus à la prééminence corporelle. L'âge avait amoindri ses muscles dans leur vigueur et dans leur souplesse. Au moins 7 guerriers l'emportaient maintenant sur lui dans le combat. Comme il régnait par la prévoyance et par l'astuce, lui-même se reprochait la catastrophe. Sans doute, les hommes du roc n'étaient pas venus depuis 2 générations entières, et on croyait qu'ils avaient émigré vers l'Orient. Un chef n'aurait pas dû oublier leur existence. « La fille des rocs, dit-il, marchera pendant le jour avec Elvor. La nuit, elle sera seule, gardée par les chiens d'Akroun, qui ne laissent approcher que le chef. » Une épaisse douleur pesa sur le cœur d'Elgvor, car il se méfiait d'Akroun même. Au matin, Akroun fit le dénombrement de ses guerriers. Il y en avait 58, tous entraînés à la fatigue et habiles à manier l'âche, les pieux, la massue, la sagaie. « Les hommes des rocs sont beaucoup plus nombreux, » dit Elgvor. « Il y a 3 Tso pour un Ougmar. » Jadis, les guerriers des lacs verts combattaient avec nous, » fit le chef. « Leurs tribus sont à plus d'une lune de marche. »« Il faut surprendre les Tso, » gronda Haïgoun. Akroun eut un rire sombre. « Les Ougmar passeront par les forêts de l'autre rive. À 10 jours de marche, la rivière haute les conduira vers les pays de soleil. Et ils tâcheront de faire alliance avec les Igwa, « Homme de la nuit. » Ce sont des chacals sans force et qui mangent leur mort, répliqua durement Aïgoun. Les Igwa sont rapides et habiles à dresser des embuscades, affirma Shtra. Depuis 6 générations, ils sont amis des Ougmars. Shtra a chassé avec les Igwa. Gaor aussi, dit un guerrier. C'est vrai qu'ils mangent les hommes morts, mais ils sont fidèles. Les Ougmars traversèrent le fleuve dans 9 canaux bien construits. Si la forêt était profonde depuis des temps innombrables, les ancêtres y avaient percé une voie souvent adoptée par les mammouths, les bisons et les mégacéros. Chaque canot était porté par 4 hommes, que d'autres relayaient. La marche était ralentie, mais lorsqu'on aurait gravi les collines de l'ouest, on trouverait la rivière dans la haute vallée. Elle était rapide et conduisait vers le sud. Les guerriers marchèrent tout le jour, ne s'arrêtant que pour manger. La forêt parut interminable et elle montait vers le ciel où le soleil se couche d'abord lentement, puis plus vite. Au crépuscule, derrière leur feu, les Ougmars étaient plus forts que toutes les bêtes, même les mammouths et les bisons qui marchent par troupeaux. Seules les bêtes verticales étaient redoutables, mais on ne connaissait dans la forêt que les hommes de la nuit qui vivent dans le tronc des arbres aussi vieux que la terre. On avait isolé Glava au centre du campement. Les guerriers tournaient vers elle des yeux farouches et charmés. Aïgoun cherchait à se rapprocher, mais Akroun avait disposé autour d'elle Shtra, quelques hommes qui détestaient le colosse, et des chiens vigilants. Aïgoun disait à ses hommes « Akroun n'a pas su protéger les femmes. Celle-ci sera-t-elle pour ses amis ?» Il tournait vers Glava sa face velue, qui avait la couleur d'un feu prêt à s'éteindre. Accablée par la crainte et par la haine, elle regrettait amèrement d'avoir suivi Elgvor dans la presqu'île rouge. On l'avait violemment séparée d'Amao, qui restait là-bas avec les survivantes et quelques vieillards. D'abord, elle s'était révoltée. Puis, comprenant que la résistance serait dangereuse pour Amao même, elle avait cédé. Maintenant, elle rêvait de reprendre avec sa sœur la route des solitudes. Aussi exécrable que les Tso, et de plus étrangers, les Ougmars, par leurs gestes, leurs habitudes, leurs armes, leurs voix, inspiraient à l'adolescente une antipathie profonde. Elle eût âprement guidé Elgvor vers le pays des Tso, mais elle tromperait les autres, elle les jetterait sur des pistes fausses. Elgvor, épiant la jeune fille à la lueur tremblotante des feux, concevait sa rancune et en était accablé. Plusieurs fois il avait reparlé au chef pour qu'on emmenât Amao. Aïgoun et ses partisans s'y opposaient, disant qu'elle entraverait la marche, à moins qu'elle n'abandonnât son enfant. « Elgvor portera l'enfant, » avait dit le jeune nomade. « Shtra aussi, et Yuk. » Aïgoun ne voulut rien entendre, et Akroun céda, indifférent au sort d'Amao. Comme il ne voulut plus écouter Elgvor, Elgvor n'osa pas dire que Glava se vengerait. Le lendemain, on rencontra les premiers hommes de la nuit. Leur face s'allongeait comme la face des égagres, et leurs oreilles pointues étaient couvertes d'un poil dur. Aussi noirs que le basalte, ils montraient des yeux d'écureuil, des bouches en suçoir, des membres grêles et des ventres caves. Leurs poils végétaient par îlots sur le crâne, la face et le thorax. Leur peau produisait une huile nauséabonde, et la lèvre supérieure se relevait continuellement sur des dents carnassières. Comme armes, ils n'employaient que les pieux et les pierres aiguës. Depuis 20 ans, Shtra les rencontrait dans la sylve. Accoutumé à leur langage, il dit, faisant plus de signes qu'il ne prononçait de paroles, « Si les Gois veulent venir avec les Ougmars, ils auront de la chair et du sang en abondance. » Le plus âgé des hommes répondit, « Pourquoi les Gois iront-ils avec les Ougmars ? Ils aideront à traquer les Tso. N'y a-t-il pas eu un temps où les Tso ont massacré les hommes de la nuit ? Les Gois auront les dépouilles des ennemis, car les Ougmars sont les plus forts. » Malgré leur ruse, les Gois avaient des armes crédules. Les lendemains leur apparaissaient à une distance infranchissable. Ils flairèrent la chair rôtie, et ayant reçu leur part, ils la dévorèrent, tout en accompagnant les nomades. Parfois, un nouveau Gois, issu du tronc d'un arbre ou sorti des sous-bois, se mêlait au troupeau, entraîné par l'exemple des autres. « Il faudra de la chair tous les jours, » disait Shtra à Akroun. Si la chair manque, les Gois s'arrêteront. Mauvais chasseurs et allumant péniblement le feu, les Gois connaissaient la famine. « Il y aura de la chair, » affirma Akroun. les bêtes abondent dans la forêt. Il comptait sur les Igois moins pour combattre directement que pour harceler les Zo et les attirer dans des embûches. Après quelques jours, il y eut près de 50 Gois. Malgré leur stature chétive, ils étaient toujours prêts à se repaître, également aptes à supporter la famine et la répression. Les chasseurs Zougmar poursuivaient à outrance les élafes, les aurochs, les sangliers, les daims, les mégacéros, les saïgas, pour satisfaire la voracité des alliés. Ceux-ci, enclins à l'indolence, réjouis de cette vie abondante et facile, s'éparpillaient le jour autour de la tribu, mais le soir se rassemblaient avidement autour des feux, aspirant l'odeur des viandes cuites et se chauffant le corps avec béatitude. Leurs émanations, qui ressemblaient à celles des renards et des putois, emplissaient Glava d'un dégoût amer. Mais les guerriers, après les premiers soirs, n'y prenaient plus garde. Quand on atteignit la haute rivière, comme il n'y avait pas assez de canaux, les Gois, aidés par les Zougmar, construisirent plusieurs radeaux. Ils les maniaient avec plus adresse qu'ils n'eussent manié des pirogues, et ne redoutaient point l'eau, car tous nageaient et plongeaient comme des loutres. La haute rivière emporta impétueusement les hommes. En 3 jours, ils franchirent une distance énorme et se retrouvèrent près du fleuve bleu. Il avait débordé. Ses eaux pénétraient dans la forêt et baignaient le pied des collines. Il fallut un quart de jour pour atteindre la terre ferme au-delà de l'autre rive, elle aussi submergée. Enfin, on débarqua à pied sec, mais la plaine était entrecoupée de grandes mares qu'on ne pouvait franchir qu'avec les pirogues et les radeaux. Akroun montrait un visage dur afin de maintenir la force du commandement. Vers le soir, Aïgoun cria. « Les Zougmar se traînent comme des vers. Jamais ils n'atteindront le pays des Tso. » Akroun répondit rudement. « L'inondation a dû arrêter les ravisseurs. Les Zougmar doivent continuer la poursuite. » Il fit venir Elgvor et demanda. « Les Tso étaient-ils plus loin que nous, vers le haut du fleuve, quand Elgvor a rencontré les fugitives ?» Non, les Tso étaient à 1 ou 2 journées plus bas. Les Tso se seront enfoncés dans les terres, affirma Aïgoun. Il faut quitter le rivage du fleuve. Pas encore, dit Akroun, et il regardait fixement Aïgoun. Aïgoun oublie-t-il que les Zougmar sont sur la voie de guerre? Aïgoun obéit au chef, mais les guerriers peuvent se réunir et parler. Une pâleur cendreuse se répandit sur le visage d'Akroun. On ne parlait de réunir les guerriers que lorsque l'autorité du chef était méconnue. Sa haine se leva en tumulte et il souhaita plus énergiquement la mort du géant. Akroun réunira les guerriers quand les feux brilleront. Si les Tso ne sont pas loin, ils verront les feux. Aïgoun est-il un enfant? Croit-il que le chef ignore qu'il faut cacher la flamme? Le soir, Akroun fit choix d'une courbe environnée d'arbres pour allumer les feux. D'ailleurs, les batteurs d'estrade, Ougmar et Gwa, n'avaient découvert aucune trace jusqu'à une distance où les feux, même en pleine rase, eussent été invisibles. Quand les bûches flamboyèrent, Akroun appela les hommes. « Que les guerriers se rassemblent, le chef veut les écouter. » Les partisans d'Aïgoun vinrent les premiers. Ils étaient 12, dont aucun n'avait vu passer plus de 30 automnes. Ceux qui demeuraient fidèles au chef, soit par inclination, soit par confiance, soit encore par crainte ou haine d'Aïgoun, s'assemblèrent plus lentement. On en comptait 15, dont Shtra, Yuk et Helgvor. Les indécis, prêts à se soumettre au plus fort, s'éparpillèrent. Akroun, épiant avec angoisse les partisans de son rival, se souvint avec amertume des jours, si proches encore, où la tribu suivait aveuglément son impulsion. Alors Aïgoun se bornait à attendre les temps qui doivent venir. Maintenant le chef sentait la méfiance. Au fond des âmes, on lui reprochait la perte des femmes, et sans se demander comment il eût pu prévenir l'enlèvement, on l'en rendait responsable. Il se leva. Les feux joignaient des lueurs rouges aux lueurs d'ambre de ses yeux. Sa face puissante affectait l'impassibilité. Il dit « Le chef a rassemblé les guerriers pour prendre conseil de leur prudence. La route qui suit le fleuve est envahie par les eaux, mais c'est la route la plus courte. Faut-il la suivre ou faut-il s'enfoncer dans les terres? Que les guerriers méditent. » Aïgoun se leva et parut formidable. Ses épaules oscillaient lentement. Ses mâchoires terribles étaient contractées. et quand il soulevait la lèvre, on voyait des dents de lion. « L'expérience du chef est grande, dit-il, et les guerriers obéiront à son commandement. Mais si la route du fleuve est la plus courte, elle sera la plus longue à parcourir. Les Tzos ne l'auront pas suivi. Les Tzos sont partis vers les terres intérieures. » Sa main énorme montrait l'Occident, tandis que ses partisans secouaient la tête avec des exclamations. « La chasse est difficile sur le rivage, reprit-il. Ce soir, les Igouas n'auront pas assez de chair, et les Igouas ne suivent les Ougmars que pour se repaître. Les bêtes ont fui dans les terres. Les Ougmars veulent-ils que les Igouas se retirent? Alors ils ne seront plus assez nombreux pour attaquer les Tzos. » Ses partisans l'approuvaient par le geste et par la parole. Les indécis tournaient vers lui des têtes craintives, prêts à se soumettre à la force nouvelle. Lorsque Akroun se dressa, on eût pu voir que sa poitrine tremblait. Haïgoun est un guerrier rusé. Mais que sait-il de l'ennemi? Et qu'en savent les Ougmars? La piste n'a pas paru. Il faut chercher la piste. Voici ce que veut Akroun. 7 guerriers avec des gouas et des chiens la chercheront sur la rive. Tous rapporteront la chair des bêtes qu'ils auront chassées. Ainsi les Ougmars sauront quelle est la voie. Le chef a parlé. Les guerriers obéiront. Les guerriers obéiront, cria Shtra en même temps qu'Elgvor. Et les partisans d'Akroun, ayant repris courage, clamèrent. Les guerriers obéiront. Alors les âmes timides qui attendaient le destin reprirent confiance dans le chef, tandis que les partisans de Haïgoun gardaient le silence et l'immobilité. Comprenant que son heure n'était pas venue, le fils du loup gronda. Haïgoun ne commandera-t-il pas les hommes qui marcheront vers les terres? Le chef acquiesça, mais alors une défiance agita le guerrier. Tourné vers Glava, il épiait Elgvor. Akroun comprit, et soucieux de n'alimenter aucune querelle avant la défaite des Tzos, Shtra commandera les hommes qui suivront le rivage, et Elgvor le guidera. Elgvor regardait Glava avec désespoir. Elle se tenait auprès d'une des femmes. Son visage était sombre, une rancune profonde s'élevait dans son cœur. À l'aube, Haïgoun partit vers les terres sèches avec 6 guerriers, des gouas et des chiens. Shtra, avec Elgvor, partit vers l'amont du fleuve. Sa troupe emportait 2 pirogues pour la traversée des morts. Lorsqu'elles étaient étroites, on les contournait et parfois on les passait à gué. Des énergies tristes déprimaient Elgvor. L'image de Glava tourmentait sa jeunesse, et parce qu'il était incapable d'un retour sur soi-même, cette image dominait chacun de ses actes et chacune de ses tendances. La guerre, la défaite des Tzos, eût absorbé tout son être. Maintenant, il songeait bien davantage à la conquête de Glava. Shtra, frère de celle qui engendra Elgvor, était son père selon la coutume. Il aimait Elgvor. C'était un guerrier d'humeur pacifique et monotone, humble devant le chef et qui exécrait Haïgoun. Avec de l'expérience et peu de flair, aucun goût pour le commandement, il aimait le repos. Sur la route de chasse ou de guerre, il accomplissait sans ardeur les actes utiles. Il tuait les bêtes avec calme. Il était prêt à exterminer les Tzos. De même aurait-il pris volontiers la vie de Haïgoun et des partisans de Haïgoun, de préférence par stratagème, si Akroun l'avait ordonné. La mort ne le troublait point, ni la souffrance de ceux qui lui étaient indifférents. Mais le trépas de Elgvor ou de Yuk l'eût désolé pendant de longs jours. Yuk, frère de Elgvor, ressemblait à Shtra. Plus vivace, il haïssait mieux. Quoiqu'il fût né avant Elgvor, il reconnaissait sans colère la force et l'agilité supérieure de son frère. Et même il s'en montrait fier, car il était de ces hommes pour qui d'autres hommes peuvent être des prolongements radieux de leur vie. Pendant les premières heures, l'expédition avança tortueusement. Les 6 chiens, le loup, les gouas et les guerriers cherchaient la piste et ne la trouvaient point. Lorsque le soleil eut franchi le premier quart du ciel, Shtra dit « Si les Tzos ont passé avant l'inondation, ils sont très loin de nous. » « L'inondation n'est-elle pas plus forte vers le haut du fleuve ?» dit Elgvor. Shtra haussa les épaules. Son visage étroit reprit sa douceur apathique. Il venait de traverser un ravin submergé et ayant tourné des rocs, il marchait sur une terre sèche. Les gouas cherchaient mollement. Ils avaient faim et le temps de la halte était venu. Alors Elgvor explora la plaine et pour mieux voir monta sur un bloc erratique. Des bêtes furtives paraissaient un moment et disparaissaient. Il y eut un élaf, des saïgas, un mégacéros, des élans, et très loin une troupe impétueuse de chevaux, tandis qu'un triangle de grues naviguait sous un nuage. Les chiens et les ougmars cherchaient aussi, et les chiens flairaient l'espace. À la fin, les yeux de Helgvor s'allumèrent. Un troupeau d'aurochs venait d'apparaître dans une ravine. Il se glissa à travers des fourrés, rampa dans les hautes herbes et parvint à une portée de flèche du troupeau. Les aurochs faisaient halte dans la ravine où croissait une herbe rafraîchie par l'inondation. Deux mâles énormes défendaient le troupeau et peut-être, après des combats indécis, se tenaient à distance l'un de l'autre. Un poil roussâtre pullulait sur leurs épaules et obscurcissait leurs yeux. Leurs pattes étaient fines pour la masse du corps. Les cornes, écartées et aiguës, leur eussent permis de projeter à 5 coudées le tigre, le lion et l'ours gris. Le troupeau paissait sans inquiétude. Par intervalles, un des mâles levait sa tête monstrueuse et semblait étendre sur l'espace les lacis de son odorat, le confus rayonnement de ses gros yeux noirs aux moires violettes. Helgvor parvint à s'approcher davantage. Il tendit son arc. Un des taureaux meugla. Les femelles levèrent des crânes mélancoliques. Les flux ennemis de l'homme traînaient dans l'atmosphère. Plusieurs la connaissaient, et l'un des mâles, qui plusieurs fois avait vu agir l'homicide bête verticale, donna le signal du recul. Déjà une flèche l'atteignait au poitrail, une pointe aiguë lui piquait le cœur. Alors furieux, il se précipita vers le centre de l'émanation, tandis que le troupeau prenait la fuite. Helgvor s'était dressé, plein d'admiration pour la bête colossale, et sachant qu'elle protégeait l'existence du troupeau, il éprouvait un regret indécis. Mais les ougmars, les goas et même les bêtes attendent la chair qui refait la chair. Une seconde flèche s'enfonça dans le poitrail. Puis Helgvor détacha une sagaie suspendue à son flanc. L'auroch blessé perdait le sens de la conservation. Il ne songeait plus qu'à anéantir l'agresseur qui l'eût broyé d'un seul coup de ses cornes. Ce fut comme un roc dans l'avalanche. Helgvor darda la sagaie et l'entra au défaut de l'épaule. De douleur et de rage, l'auroch poussa une clameur égale au rugissement du lion. Quand la bête géante ne fut qu'à une coudée, Helgvor bondit transversalement et la massue s'abattit. Elle frappa d'abord les vertèbres cervicales, puis elle retomba sur une des pattes d'avant qu'elle brisa net. Dès lors, l'homme était le plus fort. Veine et gauche, la bête tenta plusieurs attaques qu'il esquivait sans peine. Il disait « Les guerriers et les chiens ont besoin de la chair du grand auroch. » Il exprimait ainsi, sans qu'il le comprît lui-même, son admiration pour la bête immense et la mélancolie de l'avoir tuée, car elle mourait. Ses yeux vastes se couvraient d'une brume. Elle n'attaquait plus, immobile dans le rêve de l'agonie, au bord mystérieux de l'anéantissement. Puis elle trembla. Une plainte rauque jaillit de sa gorge profonde. Écroulée sur la savane après un souffle suprême, elle disparut. Helgvor héla les goas et les ougmars. Tous étaient déjà proches, les yeux évidemment fixés sur la proie énorme. Les goas riaient en leur manière silencieuse, grimace primitive, presque semblable à celle des chiens. Voilà, maintenant la chair est abondante. Helgvor est un grand chasseur, dit Stra, tandis que Yuk, habile à allumer le feu, faisait assembler le bois et les herbes. Mais Helgvor, ayant aperçu là-bas une tache sombre au sein des herbes, voulut la voir de près, et la joie dilata sa poitrine. Les eaux avaient campé là. La cendre semblait fraîche encore. Des eaux s'étaient répandues autour, avec des lambeaux de pelage. Helgvor, appelant son loup et son chien, leur fit flairer le campement. Déjà, Yuk, de ses mains industrieuses, avait fait jaillir le feu du silex, de la marcassite et des herbes très sèches qu'il portait dans un sac de peau. Les yeux des goas luisaient comme des yeux de lynx et de chacal. Stra riait doucement. « Voici que les goas ont oublié la famine. Ils suivront les guerriers comme des chiens. » Helgvor secoua la tête et dit « La trace des tzo est trouvée. Ils ont campé dans la ravine cette nuit même. » Stra, esprit lourd et circonspect, demanda « Cette nuit même, Helgvor ?»« Que Stra, guerrier plein d'expérience, dit le jeune homme, vienne examiner la trace. » Stra suivit celui qui était son fils suivant la coutume et considéra méticuleusement le camp où les Zo avaient dormi. Ensuite il déclara « Elkvor a l'œil de l'aigle et le flair du corbeau. Les Zo ont campé ici, et c'était pendant la nuit qui a précédé ce jour. » Elkvor reprit, le cœur plein de contentement. « Maintenant que mon père a parlé, la certitude est dans mon cœur. » Les Ougmar dépouillaient l'auroch de son cuir, et déjà des quartiers rouges répandaient l'odeur exaltante de la chair attaquée par le feu. Puis régna l'allégresse qui enfle la vie quand elle se repaît de la mort. Si Elkvor songeait au Tso qu'il fallait exterminer, il songeait bien plus encore à Glava. Il la revoyait, sombre et irritée, auprès des feux clairs. Tantôt sa poitrine se dilatait comme pour soulever l'espace, tantôt son cœur pesait comme un bloc de granit. Et il haïssait démesurément Aïgoun au poitrail d'ours. Le chien et le loup suivaient la piste. Pour éviter la confusion, on retenait à l'arrière les autres hommes et les autres bêtes. À cause du nombre des Tso et de leurs captives, la poursuite fut longtemps facile. Par les mares, la steppe et les collines, on avança jusqu'aux deux tiers du jour. Une rivière parut alors aux rives inondées qui roulaient des fanges fécondes. Sur l'autre rive, la piste se perdit. Comme les Tso n'avaient pu remonter le courant, il était torrentiel, il fallait redescendre vers le fleuve. D'ailleurs, la terre était praticable à cause des collines, tandis que plus avant dans la savane, les eaux s'étaient répandues dans les combes. On retrouva la trace et même une sagaie teinte de sang marqua le passage récent des ravisseurs. Stra, Yuk et Elkvor examinèrent minutieusement cette sagaie. « Les eaux sont proches, » conclut Stra. « Le sang n'est pas encore très noir. » Il secoua une tête anxieuse. « Elkvor n'a-t-il pas vu plus de 100 guerriers de eaux avant de rencontrer les fugitifs ?»« Il y en avait plus de 100 quand ils ont attaqué la presqu'île rouge, et plus de 100 aussi quand Elkvor les a dénombrés sur la savane. » Alors Stra se gardera de faire combattre ses guerriers ni les gois. Le feu dont Stra a vu les cendres n'était pas un feu de 100 guerriers. Peut-être n'avait-il pas assez de bois sec. Elkvor pense qu'il faut continuer la poursuite. Yuko aussi. Stra garda d'abord le silence. Sans être un homme peureux, il fuyait toute entreprise démesurée. Si les Tso sont seulement 50, dit-il, les Tso nous anéantiront, et la tribu ne pourra plus ressaisir les femmes. À son tour, Elkvor demeura quelque temps sans répondre. Il concevait que la piste trouvée et vérifiée, la tâche des batteurs d'estrade était finie. Il n'y avait plus qu'à rejoindre Akroun et à suivre son commandement. Mais le recul lui répugnait étrangement. Il devinait que les Tso n'étaient qu'une partie de la horde. Une surprise heureuse pourrait les livrer aux traqueurs. « Voici, reprit-il enfin, si Stra suit encore la piste pendant un temps aussi long que celui qui sépare la première lumière de l'arrivée du soleil, alors Elkvor continuera seul avec le chien et le loup. » « Elkvor est fort, répondit Stra avec une brumeuse ironie. Mais Elkvor peut-il combattre seul contre 100 hommes ? Elkvor est plus rapide que les Tso. À la course, aucun ennemi ne l'atteindra. Oui, Elkvor est agile comme un mégacéros. Mais si les Tso l'enveloppent ? Les Tso ne l'envelopperont pas. Suivons encore la piste, dit Stra avec résignation. Ils la suivirent pendant 2 heures encore, puis elle devint si fraîche que tous surent que les Tso étaient proches. Les doutes s'éparpillèrent lorsque sur une terre humide on vit les marques des pieds. Quelques-unes étaient si nettes que Stra remarqua. Voici les pieds lourds des Tso, et voici les pieds légers de nos femmes. Une colère subite saisit cet homme tranquille et ses poings se levèrent. Elkvor, s'efforçant d'évaluer les traces, les suivit quelque temps et revint sur ses pas. Les Tso ne sont pas plus nombreux que les doigts de 3 mains, dit-il. Les Gois et les Ougmar réunis sont moins nombreux que les Tso. Les Gois sont faibles et mal armés. Le loup de Elkvor combattra et les chiens harcèleront l'ennemi. Stra se tut, plein d'incertitude. Nos flèches vont plus loin que celles des Tso, reprit le jeune homme. Les guerriers qui visent mal donneront leurs flèches à Elkvor. Oui, Elkvor a l'œil d'un épervier, fit Stra. Elkvor ira le premier. Il tuera des Tso et il entraînera les autres à sa poursuite. Stra et ses guerriers dresseront une embuscade. Stra hésitait toujours, mais Yuk intervint. « Nos femmes sont là-bas, » dit-il, et ses yeux phosphorèrent. Alors la fureur reprit Stra. Sa voix devint véhémente. Que Helkvor nous guide. Quand nous serons près d'Itzo, nous dresserons l'embuscade. » La troupe se remit en marche, précédée par Helkvor et Yuk. La piste s'évanouit, puis reparut. Une colline longue, d'une faible hauteur, part à l'horizon. Ils la gravirent lentement. Près de la cime, ils découvrirent un cirque rocheux protégé par des buissons épais. « Que Kestra attend ici son fils, » dit Helkvor. « Les Tzo sont là. » Il gravit prudemment les dernières déclivités. Un étroit plateau granitique couronnait la cime. Des herbes dures et touffues y croissaient, entrecoupées d'arbres, d'arbustes et de roches basses. Depuis un moment, le chien décelait une agitation que le loup ne tarda guère à partager, sans que ni l'un ni l'autre trahissent leur présence. Ils se glissaient sournoisement à travers les rocs. Un léger sifflement les arrêta. Helkvor venait d'atteindre le bout du plateau. Allongé sur le sol, il rampa, et une respiration plus vive marqua son trouble. Au bas de la colline, arrêtés par l'inondation, les Tzo allumaient les feux. Les captives, accroupis, semblaient exténués. Environ 30 guerriers apparaissaient sur le sol nu, et si la plupart semblaient aussi las que les femmes, presque tous étaient jeunes, taillés pour la bataille. Devant ses torses trapus, ses épaules lourdes, les Gois seraient comme des enfants. Seuls les grands Zougmars pourraient leur tenir tête. Cependant, Helkvor constatait que leur camp, abrité contre une attaque directe, pouvait être attaqué de flanc et criblé de flèches. Il jeta un regard sur le grand arc suspendu à son épaule. Il avait 5 flèches, toutes munies de pointes en effrite. Il savait pouvoir tirer à une distance telle que les Tzo ne pourraient riposter. La poitrine gonflée par l'instinct de guerre, il retourna vers l'autre pente de la colline. Quand il eut rejoint Kestra, il affirma « Si Helkvor a beaucoup de flèches, il abattra des Tzo en grand nombre. Les autres seront anéantis par les guerriers et par les Gois. » Il décrivit la position des Tzo, arrêtés par l'inondation. « Kestra veut voir, » dit le chef. Cependant, il réquisitionna une dizaine de flèches pour Helkvor. Les deux guerriers remontèrent ensemble vers la cime, et Kestra, ayant compté les Tzo, céda avec mélancolie à l'ascendant de son fils. Kestra et ses guerriers attendront parmi les rocs. Il retourna vers le campement, tandis que Helkvor commençait à descendre l'autre versant de la colline, avec une lenteur extrême, ayant commandé aux loups et aux chiens de l'attendre, ce qu'il concevait aussi clairement que l'eussent pu faire des hommes. C'était une grande journée de sa vie. Par intervalles, son cœur se mettait à battre et sa conscience s'éclairait de lueurs étranges. À mesure qu'il se rapprochait, l'aventure devint redoutable. Les visages et les poitrines des Tzo semblaient devenir plus vivants. Il discernait avec précision les grands visages fumeux, les mâchoires granitiques et les yeux de chacal. S'il réussissait à envelopper Helkvor, sa mort était prochaine. Il le sentait âprement. Quoiqu'il se crût plus agile qu'eux, des doutes s'abattaient sur lui comme des bêtes sournoises. Parmi tant de guerriers jeunes, peut-être quelques-uns avaient, comme lui-même, la vitesse du mégacéros et la détente du léopard. Une blessure le mettrait à leur merci. Qu'une de ses jambes fût atteinte, et son anéantissement devenait inévitable. Ces choses passaient par images et se coordonnaient au hasard des sensations. Elles n'altéraient ni la lucidité de sa vision, ni le courage de sa poitrine. Habile à se servir des arbres, des rocs et des herbes, il était parvenu à deux portées de flèche. La terre se dénuda, couverte de lichens argentés et de mousse couleur de jade que transperçait le squelette rouge du roc. Encore un pas, et Helkvor sera visible. Un moment, son cœur battit trop vite. Sa force apparut d'une faiblesse devant ses forces assemblées. L'amour de la vie tremblait en lui, comme les feuilles du sycomore dans la brise. En songeant à Glava, il eut une défaillance. Les yeux resplendissants et la chevelure fauve parurent la joie du monde. Ce fut bref. Le jour était venu où, avec la victoire, il deviendrait un guerrier redouté. S'il reculait, Glava le mépriserait, et il n'oserait pas reparaître dans la tribu. Subitement, sa grande stature se dressa dans la lumière. Un Tzo le vit, puis un autre, et successivement, toutes les têtes cubiques s'élevèrent. La stupéfaction fut si profonde que d'abord ils gardèrent le silence. Ils contemplaient ce guerrier solitaire et cherchaient du regard ses compagnons. Il n'y en avait point. L'homme arrivait à grande foulée, comme s'il allait fondre seul sur le campement. Alors, plusieurs le reconnurent. C'était celui-là même qui avait sauvé les fugitives. Khamr était allé à sa poursuite avec 5 guerriers et aucun n'avait reparu. Confiants dans leur nombre et accoutumés à la lutte, ils clamèrent le cri de mort. Lugmar répondit « Elkvor a tué 2 tso, puis 4 des hommes du canot. Elkvor a tué le chef aux grandes épaules. Tous les ravisseurs périront. » Les femmes, muettes, pleines de terreur et d'espérance, écoutaient cette voix retentissante. Et leur jeunesse, les souvenirs de la presqu'île rouge, inondaient leurs âmes d'une ivresse tremblante. Elkvor continuait sa route. Quand il fut à portée, il tendit son arc. La flèche effleura à peine l'épaule d'un guerrier, et les tso poussèrent une huée. 2 autres flèches allèrent mieux au but. L'une traversa la poitrine d'un guerrier, l'autre lui perfora le ventre. Les tso tirèrent à leur tour, mais leurs arcs ayant une portée moindre, les flèches qui parvenaient auprès du nomade étaient sans vie. 3 fois encore, le grand arc se tendit et se détendit. 2 ennemis reçurent des blessures profondes. Déjà les tso, exaspérés, s'élançaient pour capturer Lugmar. Il recula, et tout en reculant, il blessa 2 hommes. Les autres se ruaient impétueusement, sauf 6, qui demeuraient pour garder les captifs. Elkvor n'avait plus que 3 flèches. Il les réserva pour une lutte suprême et prit la fuite, ce qui fit s'éparpiller les poursuivants. 3, plus agiles que les autres, avaient pris une grande avance lorsque Lugmar parvint à la cime. C'étaient des adolescents, encore grêles, à cet âge où les jambes sont très véloces, mais les bras faibles. Ils se tenaient ensemble, armés de haches de bronze et de sagaies. Soudainement, Elkvor devint invisible. Eux, dans la crainte d'une embûche, ralentirent leur course. Un froissement leur fit tourner la tête. Lugmar venait de surgir à l'arrière, entre 2 blocs, et d'une sagaie lancée avec violence, il abattit le plus proche. Les autres dardèrent leurs armes, dont une blessa Elkvor à la tête. Mais rué en foudre, d'un coup de massue, il broya le crâne d'un des jeunes guerriers et de la pointe d'une sagaie, perça la gorge de l'autre. L'attaque avait été si rapide qu'aucun des autres poursuivants n'était à portée de flèche quand Elkvor reprit sa route sur l'autre versant. Il cria d'une voix qui retentit dans le camp de ses compagnons. « Elkvor a blessé 9 tso, que les guerriers s'apprêtent à l'attaque !» Après quelque temps, sa marche parut pénible. Il portait la main à sa tête, d'où le sang coulait, et il ramenait cette main toute rouge et de manière à la rendre visible aux hommes du roc. Puis, feignant de s'affaiblir, il trébucha. Assuré qu'il défaillait, les plus ardents osèrent se détacher du groupe de coureurs. Elkvor trébuchait davantage. « Que nos guerriers attaquent » hurla-t-il. Il était tout près de l'embuscade, et avec la vitesse d'un léopard lancé sur le tso le plus proche, il l'anéantit. Un autre, qui arrivait à grands bonds, s'arrêta, mais trop tard. L'énorme massue lui fracassait les vertèbres. Au même moment, des flèches, des pierres, des sagaies, jaillirent du refuge des Ougmars et des Gois. Les chiens aboyèrent, les hommes clamèrent comme des aurochs ou des loups. 6 guerriers de haute taille surgirent, puis d'autres, noirs aux oreilles pointues, filèrent à travers les herbes, tandis que les chiens bondissaient éperdument. Ce fut la panique. Les tso se crurent attaqués par tout un clan, et la plupart, pleins d'images funestes, s'enfuirent au hasard. À peine 6 ou 7 tinrent tête à l'ennemi. Ils tuèrent 2 Gois, un Ougmar, mais les grandes massues brisaient leurs os et faisaient jaillir leurs entrailles. Quand ils furent exterminés, les hommes du fleuve bleu et les bêtes continuèrent la poursuite. Ce qu'on atteignait ne résistait point. Les pieux des Gois, la massue, la hache ou la sagaie des Ougmars retranchaient des vis en défense. Plus lestes que les os, dont les jambes étaient brèves, les vainqueurs avaient anéanti presque tous les vaincus quand ils arrivèrent au campement où se tenaient les femmes. Leurs gardiens, guerriers médiocres, avaient pris la fuite. Ceux qu'on rattrapa se laissèrent égorger. Le jour allait finir. Le soleil rouge, à demi enseveli dans les nuées, croulait au-delà du fleuve. Presque tous les tso avaient péri. Eshtra, saisi d'admiration et d'enthousiasme, criait. « Elkvor, fils de Eshtra, est un très grand guerrier, fort comme le mammouth et rapide comme le tigre. Haïgoun n'est qu'un loup. » Les guerriers Ougmar répétèrent. « Elkvor, fils de Eshtra, est un très grand guerrier. » Les femmes, dans la joie de la délivrance, clamaient avec les hommes. Elles avaient vu venir Elgvor et tomber les premiers dzos. Les goas hurlaient aussi, mais déjà accroupis auprès des cadavres, mêlés aux chiens et aux loups, ils suçaient voracement le sang tiède. Et les nus s'emplirent de mirages pareils aux mirages dont s'étaient emplis des nus innombrables à travers les millénaires des millénaires. Ce fut un soir brillant de la terre périssable. Une brise tendre courait sur les eaux, et quand les feux s'allumèrent, la joie de vivre gonfla la poitrine de ceux qui avaient supprimé les vies. Elvor connut l'orgueil d'être un guerrier redoutable, mais son orgueil s'humiliait auprès d'un feu lointain, devant une forme flexible. Son cœur tressaillait d'une impatience terrible et douce.